disque d'or. Nani alingati ya mbilinga mbilinga na libala na ngai. Na kuluka ba mando na ba ebisanga kombo na ye. Malgré ba mando na nyoso ba kuma ba mama prophétesse na beglize. Na kulanda bango na beglize. Monique Vandale, la grande ya moto. Noëlo de Lusolo, maire de 100 ans Suisse. Gilbert Okende qui Kinshasa pour la fondation FMI. Il fallait sala un mois, vous salit le nom de moi. Sous la chambre. Y'a pas et pas d'un gars, de moi, et salit le col à deux ans. N'a colanda yo, coli à un gars moko, et cocate, chérie. Colala un gars moko, et cocate, chérie. Comela un gars moko, et cocate, chérie. N'a pas comme il bourra. Bana matadi jiverai ndongala simanga makasi soka tiki na sherie yolukili wananga kolia nga moko ye nakukate sherie komela nga moko ye nakukate sherie olala nga moko ye nakukate sherie nakwe komi buro sana noki osomba papa nakwe komi monene sana noki osomba Limbabu yona moto ya yokela kai Jibele ndongala simanga makasi Soka tiki na sherie yolukili wananga Jeff Mabish, Zamba Lemba, Japon Ye mama Rosa, MC Ta Ye mama Bali na yo, alena yo fu Alfa Ngungu, Mkuja Shadudu Vai pai a mama rosa Que mama rosa Rosa É sim É mame Que mama mama linda yo Arena yo fu Janja tangana Chico é toco é danas Fala matando